bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Dans ce Lobster 168.0. On ne s'est pas parlé depuis un certain temps, mais bon, ne vous inquiétez pas, le Lobster n'est pas mort, je suis juste un peu occupé. Mais en fait, c'est l'été, je ne suis pas plus occupé, en fait, je suis juste un petit peu plus relax. Quand il fait pas trop chaud, je marche, quand il fait trop chaud, je patauge dans ma mini-piscine, donc je profite bien de l'été. Bon, puis de votre côté, avez-vous survécu à la vague de chaleur? Quand même, durant la Saint-Jean, là, il a fait quand même chaud. Là, c'est monté jusqu'à 45 degrés là, avec le facteur humidex. Puis dernièrement, puis quand même très souvent, là on est rendu quoi, juillet? 24 juillet. Des températures proches des 40, on a quand même assez souvent. La température est quand même chaude cet été. Puis on a souvent quand même, je remarque ça, là, des pluies intenses. Moi, dès que ça arrive, je me compte chanceux. Là. Je sors dehors sous la pluie, là, en bobette ou en maillot, là, tout dépendant de ce que j'ai sous la main. Puis moi, ben, je profite de la pluie chaude. Je fais ça depuis que je suis jeune, là, sortir, courir sous la pluie chaude. Puis là, je tends les bras un peu comme Jésus, là, puis je profite de mon terrain puis de la grosse pluie. Là. C'est quand même amusant. C'est toujours le fun, sauf quand il y a des éclairs, eh bien, bon, les éclairs, ça fait un peu peur. J'essaie de pas rester, de pas être la seule chose au milieu de mon terrain quand il y a des grosses éclairs, là. Je me réfugie souvent sous mon abri, mais bon, c'est vraiment le fun d'être dehors quand il mouille fort. Sinon, il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier Lobster. Dans les nouvelles, il se passe quand même des choses importantes. Ben, en fait, je devrais dire des choses étranges. Je sais pas si vous avez lu ça, mais le 22 juillet, il y a des chercheurs qui étudient les chauves-souris qui ont observé un phénomène complètement, on dirait, un peu inexplicable. C'est dans plusieurs grottes à travers le monde. L'organisme là, qui s'occupe des chauves-souris puis des vampires, c'est l'Institut international de chiroptérologie, je l'avais écrit. Ça, c'est l'étude des chauves-souris. Eh bien, ce qu'ils ont remarqué, d'après le... les appareils qui sont installés, c'est que dans plusieurs grottes à travers le monde, les détecteurs là, qui surveillent l'activité des colonies de chauves-souris, ils ont enregistré rien. Il n'y avait plus un son, pas un mouvement, c'était comme le silence total. Au début, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont cru à un bug technique. Ils ont vérifié les capteurs, évidemment. Ils ont envoyé des équipes pour vérifier ça, les systèmes d'écoute, les caméras thermiques. Puis, bon, tout fonctionnait parfaitement. Les chauves-souris, elles étaient là, mais elles ne bougeaient plus. Ils étaient comme figés. Ils étaient en veille, comme si quelque chose ou quelqu'un les avait glacés d'un seul coup. Puis c'est là que ça devient vraiment étrange, parce que d'après le recoupement des données, ils ont réalisé que ce silence total avait eu lieu à la même heure dans toutes les régions observées. Et bon, ça coïncidait avec quoi? Eh bien, ça coïncidait exactement avec l'heure de la mort d'Ozzy Osbourne. Et oui, Ozzy est mort. Puis depuis ce jour-là, les chauves-souris sont ressorties. Elles volent librement, sans peur, comme si un grand danger avait disparu. Certains disent qu'elles célèbrent, d'autres qu'elles dansent. Mais une chose est sûre, le prince des ténèbres, qui les décapitait à pleines dents sur scène, ne fera plus jamais de rappel. Et voilà, Ozzy qui est parti. Et il n'y a pas juste Ozzy. Ben non, c'est pas fini. Il y a mon héros de la lutte, et oui, celui qui trône là, sur la table devant moi en figurine, qui est toujours prêt à me remonter le moral avec un petit regard plastifié de guerrier. Eh bien, Hulk Hogan est mort aussi. Oui, oui, on a appris ça aujourd'hui. Le géant en jaune et rouge. Celui qui déchirait là, toujours son t-shirt, là, et qui hurlait « And what you gonna do? » Eh bien oui, c'était un de mes héros. C'est comme si mon enfance avait pris un compte de 3, là, puis que Hulk Hogan et Ozzy ne s'étaient pas relevés. Mais au fond quand même, j'aime à croire qu'ils sont pas vraiment partis. Pas complètement. Quelque part, là-haut, ou peut-être en bas, qui sait, il y a probablement en ce moment un événement légendaire qui est en train de s'organiser. Parce que je m'imagine bien, bon, je m'imagine des projecteurs qui percent à travers des nuages de fumée. Tu vois, là, il y a la foule des hommes perdus qui hurlent dans un grondement cosmique. T'as les anges d'un côté qui vendent du popcorn. Puis t'as même les démons qui se sont levés de leur trône. D'un côté du ring, t'as le prince des ténèbres. T'as Ozzy Osbourne, qui est maquillé comme un revenant. Lui, il a le micro à la main. Il est prêt à faire vibrer les enfers d'un riff sorti de ses entrailles. De l'autre côté, t'as Hulk Hogan. Il a son bandeau qui est vissé au crâne. Il a ses moustaches immortelles. Il déchire encore son t-shirt, mais cette fois, c'est une toge céleste. Il se tourne autour, se salue, puis les deux se tapent dans la main. Pas d'adversaire ce soir, pas de combat. Ils sont du même côté. Puis pendant que nous, on pleure leur départ, la cloche sonne. Eux, leur show recommence. With the brand new World Wrestling Federation champion, Hulk Hogan. You proved it to thousands and thousands of fans, not only here tonight in Madison Square Garden, but throughout the wrestling world. You know something, Gene? They proved it to themselves. All I asked was for the whole WWE to stand behind the Hulkster, and I told him I'd bring it home for the USA. You know something, Gene? It is the dream of a lifetime, Daddy. Oh. And you know something? I can't imagine. This is like going to the mountaintop 1,000 times over. I feel the energy. Hulkamania is running worldwide, and it just turns me on, me, Gene. And I felt every one of those 25, 30 plus thousand people with me standing behind me all the way, and it felt great. Well, you have arrived, Hulk Hogan. Have you ever seen anything as beautiful as this, me, Gene? This belt is part yours, too. It's everybody out there. Oh, man. The new heavyweight champion of the world. That's nice of you. I'm really proud of you. And you are a good wrestler. I'm proud of you. Oh, the champagne is blowing. Ivan Putski. Hey, I'm proud of you, Jack. Very good, huh? Can you win? It's Super Monday at the Garden with the new heavyweight champion, Hulk. Sinon, cette semaine, je voulais vous parler de l'article que j'ai écrit pour la revue Science et Vie, puis qui va être publié là, dans le prochain mois, à août ou septembre. En tant qu'ingénieur en outro... j'ai de la misère à dire mon titre. Ingénieur en anthropométrie réductive appliquée aux hominoïdes à stature réduite, là, spécialiste des nains, en fait. je vais avoir la chance d'avoir un de mes articles publiés là, dans cette revue scientifique. Mais en fait, partons du début. C'est une nouvelle que j'ai lue, moi, au départ, sur le site Animation Magazine, qui est la base là, de ma réflexion. Ce que j'ai lu, l'article que j'ai lu, il titrait « L'édition Blu-ray remasterisée du Seigneur des Anneaux de Bashki sort demain ». En gros, l'article il disait que la vieille version là, de l'animation du Seigneur des Anneaux de 1978, il avait été restauré et il sortait en Blu-ray le 24 juin. Bon. Cette animation-là, je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous l'avez vue, c'est plus culte que bon, parce que en gros, cette animation-là, quand tu écoutes jusqu'à la fin, ben ça se rend pas jusqu'au moment où Frodon il tire l'anneau dans le volcan, parce que ça couvre juste le premier livre, je crois. Donc, il n'y a pas de fin, vraiment. C'est moche à écouter. Moi, je l'ai écouté 3 fois depuis que je suis jeune. Je l'ai écouté une fois quand j'étais très jeune. Je l'ai réécouté par la suite, puis je l'ai réécouté dernièrement. Chaque fois, j'ai été déçu. Mais bon, ça fait partie de mon bagage. Mais bon, quand j'ai vu cet article-là, puis que j'ai vu l'image, là, il montrait une image des Hobbits qui étaient tout petits là, à côté du grand magicien blanc, c'est là que je me suis questionné. Et je me suis demandé si vivre plus vieux voulait dire devenir un Hobbit. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène biologique ou plutôt là, d'une métamorphose tranquille qui nous guette tous. Et si, en vivant plus longtemps, on finissait par devenir des hobbits? Bon, restez avec moi. Ça a quand même plus de sens que vous pensez. Donc, je veux vous parler du mystère du rétrécissement. Donc, avec l'âge, je ne sais pas si vous le savez, mais on rapetisse. Ça, c'est prouvé scientifiquement. À partir de 40 ans, on commence à perdre environ 1 à 2 cm toutes les 10 ans. Donc moi, je suis rendu à 51 ans, donc je suis déjà dans ce processus-là de réduction. Et pourquoi? Pourquoi je suis en train de me transformer en hobbit? Eh bien, bon, là, je peux vous donner les raisons scientifiques. Selon les scientifiques, ils disent « mes disques intervertébraux se tassent ». Donc, ils se tassent les uns ses autres, fait qu'à force de se tasser, je rapetisse un peu. C'est écrit que mes os se fragilisent. Ça, c'est de l'ostéoporose. Mes muscles s'affaiblissent. Bon, c'est toutes des bonnes nouvelles. Puis, bon, avec l'âge, on a tendance à se voûter, comme un vieillard là, qui est fatigué. Donc, résultat, on perd de la hauteur, de la prestance et parfois même un peu d'estime quand on n'atteint plus la tablette du haut sans un escabeau. Bon, maintenant, faisons un petit peu de science-fiction. Mais de la science-fiction, je dirais molle. Donc, rassurez-vous, là, c'est pas de la grosse science-fiction. Donc, je veux juste qu'on s'imagine qu'on vit jusqu'à 150, 200 ans. On va faire comme si le kombucha, puis là, les genres de produits naturopathes, comme si c'était bon puis ça marchait. Donc, on s'imagine qu'on vit, disons, dépassé 200 ans. Donc, ça représente, en gros, beaucoup d'années à rapetisser. Puis ça, à ce rythme-là, c'est pas impensable, en vivant aussi longtemps, qu'on atteigne le fatidique 147 cm ou le fameux 4 pieds 10 qui fait de nous un disciple de Blanche-Neige. Puis cela, bon, ça nous amène à une question existentielle fondamentale que moi, je me suis posée en votre nom. Je me suis demandé, et si les hobbits étaient simplement des humains qui sont très, très vieux? Donc, le titre de mon article là, qui va être publié, comme je vous disais, dans Science et Vie, ça nomme « Les Hobbits, mutation ou évolution ». Donc, là-dedans, j'y parle de quoi? J'y parle de Bilbon, lui, qui a vécu jusqu'à 131 ans, d'après ce qu'on sait. Bien sûr, bon, l'anneau l'a probablement aidé, lui, un petit peu à vivre aussi vieux. Mais est-ce que le cas de Bilbon le Hobbit, superstar de la longévité, est un cas unique? Eh bien non. C'est ça que je démontre dans mon article en publiant mes travaux d'analyse de son arbre généalogique qui compte là évidemment plusieurs Hobbits. Mais si on prend juste l'exemple de Bilbon Sacquet, bon, c'est le héros évidemment que vous connaissez de la comté, qui dans Le Seigneur des Anneaux, on le voit, il fête ses 101 ans au début de l'aventure, puis qui atteindra finalement 131 ans selon les livres là, avant de partir pour les terres immortelles. C'est un âge qui est quand même avancé, c'est un âge qui est bien au-delà de ce que nous, là, les simples humains, on peut espérer aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que malgré cette longévité impressionnante, Bilbon il reste petit, trapu, avec des pieds poilus et une bonne bouille qui inspire la convivialité et la sagesse de la vie rurale. Donc, Bilbon, si vous le regardez bien, pas un centimètre ne dépasse. Pas un muscle inutile ne s'étire. Donc, c'est peut-être ça la recette. La recette de la longévité s'accompagne peut-être d'un corps petit, mais solide, qui est facile à entretenir. Bref, si on s'inspire de Bilbon, peut-être que le futur de l'humanité, ce n'est pas d'atteindre des sommets vertigineux, mais plutôt de bien vieillir en douceur en adoptant une stature plus hobbit que géant. Donc c'est ça, bref, vous pourrez lire toutes mes réflexions dans la revue Science et Vie de septembre ou à août. Ça va être publié entre un dossier sur les trous noirs découverts dans le film La folle odyssée de l'espace, puis une pub de semelles orthopédiques à cul-massage. Parce que même les nains du futur, petits, courbés, mais pleins de sagesse, auront besoin d'un bon soutien de voûte plantaire pour aller chercher leurs tomates dans le jardin sans se coincer le dos. Donc voilà! Fini pour l'intro de ce Lobster. C'est un peu n'importe quoi, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part en musique avec un groupe qui, eux, savaient mettre les nains à l'avant dans leur club, leur clip musicaux. Si vous vous souvenez, là, le groupe Men Without Hat, on voyait un nain danser là, dans un de leurs clips. Ils viennent juste de sortir une nouvelle chanson, puis en même temps, ils annoncent une tournée. Donc, on va écouter ça. Moi, j'adore ça. Men Without Hat, c'est le hit, se nomme I Love the Haiti. C'est sorti le 26 juin. Donc, on écoute ça. Ce lobster, d'été. Dernièrement, dans le parc à côté de chez moi, il y a un orchestre qui est venu jouer. C'était l'orchestre avant du Sourois. C'est l'orchestre un peu de l'île Perrault, là. Ils pratiquent sur notre île puis donnent des spectacles un peu partout. Puis là, ils étaient dans mon parc puis je suis allé les écouter. Puis quelle belle surprise quand le chef d'orchestre a présenté ce qu'ils allaient faire ce soir-là. On l'écoute. Ah, bonsoir. Vous allez bien? Donc, nous sommes l'Orchestre Avant du Sourois et ce soir, nous avons un petit concert pour vous qui vous amène en fait à la musique des films de Studio Ghibli. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le studio Ghibli ici? Donc, pour ceux qui ne savent pas, parce que là, il y en a deux qui comprennent, puis il y en a tout le reste qui ne comprend rien, c'est un studio d'animation japonais qui existe depuis le milieu des années 80 et qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands films d'animation, vraiment des chefs-d'œuvre. Et dans la collaboration, dans leurs films qui ont, surtout les films de Hayao Miyazaki, ils collaborent avec un compositeur qui s'appelle Joe Hisaishi et ça donne tout le temps de la musique incroyable. Joe Hisaishi, c'est probablement un des plus grands compositeurs de musique de film au monde. Mais comme il y a peut-être deux personnes qui connaissent ici, ça pourrait que ça vous donne une idée. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment de la musique qui nous fait voir les films, même si vous ne les avez pas vus. Donc voilà, j'ai eu droit à plein de jolies musiques du studio Ghibli. Le spectacle a duré une heure environ, puis en revenant à la maison, là j'ai lancé le film Princesse Mononoké que moi j'avais jamais vu. C'est un des classiques de ce studio-là. C'est un film qui a coûté 20 millions à produire puis qui a rapporté, d'après ce que je lis, 226 millions. Donc, les films de ce studio, ils sont très payants là, au box-office. Sur un site que j'ai consulté, il disait que pour 21 des films des studios Ghibli, ça aurait coûté les produire 131 millions puis ils ont rapporté 1,7 milliard. Même le dernier film, là, Le garçon et le héron, qui n'était pas l'un des meilleurs, moi je l'ai trouvé normal, il a rapporté quand même 300 millions. Donc c'est des films qui sont très payants. Donc maintenant on va écouter un bout du spectacle dans le parc, mais avant, je vous donne la liste des films du studio Ghibli. Comptez combien vous avez vu de ces films-là. Moi je suis très très loin d'avoir tout vu. Le premier, Le château dans le ciel. Deux enfants partent à la recherche d'une cité volante mythique. Moi je ne l'ai pas vu. Mon voisin Totoro. Deux sœurs découvrent un esprit géant bienveillant dans la forêt. Je ne l'ai pas vu. Le tombeau des Lucioles. Un frère et une sœur tentent de survivre pendant la guerre. Pas vu. Kiki, la petite sorcière. Une jeune sorcière lance un service de livraison en balai. Je ne l'ai pas vu. Souvenir goutte à goutte. Une femme redécouvre son enfance en visitant la campagne. Porco Rosso. Un pilote cochon affronte des pirates de l'air en Adriatique. Un autre, Je peux entendre l'océan, un triangle amoureux bouleverse des lycéens. Pomme Poco, des tanukis luttent contre la destruction de leur forêt. Je ne l'ai pas vu, c'est comme des grosses marmottes qui luttent pour la destruction de leur forêt. Ça a l'air bon ça, j'ai vu l'affiche. Un autre, Si tu tends l'oreille, une ado rêve d'écrire en suivant son cœur et sa passion. Là, on arrive au premier que j'ai vu. Princesse Mononoké. Une princesse se retrouve entre nature et industrie en guerre. Donc, je l'ai vu, c'est le premier. 1. Mes voisins, les Yamada. Le quotidien drôle et touchant d'une famille japonaise. Pas vu. Le voyage de Chihiro. Une fille traverse un monde magique pour sauver ses parents. Lui, je l'ai vu, c'est super bon. Donc, je suis rendu à 2. Le royaume des chats. Une fille sauvée par un chat est emmenée dans leur royaume. Lui, je l'ai vu. Lui, je le glace pas dans super bon, je le mets dans C, divertissant. Donc, je suis rendu à 3. Le château ambulant. Une jeune femme maudite trouve refuge chez un magicien errant. Pas vu. Les contes de terre et mer. Non, les contes de terre-mer. C'est tout dans un mot. Un prince tourmenté affronte les ténèbres d'un monde en déséquilibre. Lui, pas vu. Pogno sur la falaise. Un poisson magique veut devenir humaine par amour, donc c'est une fille poisson. Pas vu. Arietti, une minuscule fille vit en secret sous le plancher d'une maison. Lui, je l'ai vu. Je la classe aussi dans divertissant. Donc, je suis rendu à 4. La colline au coquelicot. Deux lycéens tentent de sauver leur vieux foyer étudiant. Je l'ai pas vu. Le vent se lève, l'histoire romancée du concepteur des avions. Pas vu. Le conte de la princesse Kaguya, une princesse lunaire grandit parmi les humains. Je ne l'ai pas vu, mais la petite description m'intéresse. Souvenir de Marnie, une fille solitaire se lie d'amitié avec une mystérieuse jeune fille. Pas vu. Aya et la sorcière, une orpheline rusée est recueillie par une sorcière grincheuse. Pas vu. Un que j'ai vu, Le garçon et le héron. Un jeune garçon découvre un monde étrange à travers un héron parlant. Du groupe que j'ai vu, à date, c'est le moins bon. J'ai trouvé que l'histoire m'intéressait un petit peu moins, mais les films de ce studio-là sont tellement de qualité que ça reste des films qui sont bons, même si c'est lui, ça serait le moins bon. Ça reste des films d'animation supérieurs à ce qui se fait ailleurs. Donc voilà, ça conclut la liste. Moi, ça me donne un total de 5 de vue, mais à ça, on doit ajouter Nausicaa de la Vallée du Vent, qui a été faite avant la création du studio, mais qui a rapporté beaucoup d'argent puis qui a permis ensuite de créer le studio vu son succès. Donc il fait partie de la liste. Je l'ai vu, c'est un film magnifique que j'ai adoré. Lui puis Princesse Mononoké, c'est les deux meilleurs que j'ai vus. Donc j'aurai un total de 6 de vue sur les 25. Et tout ça, eh bien, c'est gratuit et disponible sur anime-sama.fr si jamais vous voulez vous lancer là-dedans. Et comme je vous dis, si vous voulez vous lancer, essayez Princesse Mononoké ou Nausicaa, la Vallée du Vent en premier, c'est les meilleurs. Que j'ai vu en tout cas, parce que j'en ai vu juste 6 sur 25. Donc voilà, on écoute maintenant un petit bout du spectacle de l'Orchestre du Suroi qui joue un bout de musique de l'un de ses films. Pour terminer le concert, j'ai choisi le film qui a probablement le plus de musique et la plus belle musique de Studio Ghibli, Princesse Mononoké. C'est un magnifique film. Si vous ne l'avez jamais vu, là, vous allez sur Netflix. Ils sont tous là en passant. Ils ne nous commanditent pas, mais s'ils veulent, ils peuvent le faire. Hein. Mais allez écouter ça. C'est un très beau film sur la relation entre l'humain et la nature. Est-ce que c'est possible pour nous de vivre sans détruire notre environnement? Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va arriver si on détruit notre environnement? Et ce qui finalement, spoiler, je vais vous dire, c'est pas bon ce qui arrive, hein, si on dit, ça arrive dans le film. Et pour pas que vous vous couchiez genre comme « oh non, anxieux là-dessus », ça finit bien, ils trouvent une solution. Ils se rendent compte que peut-être qu'on est mieux de pas tout détruire. Et la musique, dans ce que vous allez entendre, il y a ces trois moments très importants musicalement dans le film. Ça va commencer par le début. Et le début du film nous place dans un... Il y a un narrateur avec une grosse voix là, qui nous place dans un Japon fictif féodal à l'époque où les dieux vivaient sur la terre, t'sais? Où les dieux animaux vivaient avec nous. La deuxième partie, c'est ce qui arrive quand un dieu se fâche. Il devient un démon, une créature qui veut tout détruire, qui fait juste amener la mort. Vous allez entendre ça dans la musique. Et ce qu'on entend à la fin, la pièce s'appelle Ashitaka et Sam. Et dans le fond, ce sont les deux personnages principaux, la princesse Mononoké qui s'appelle Sam et le prince Ashitaka, qui, à travers leur amour, font le lien entre la nature et les humains. Donc, princesse Mononoké. Thank you. retour dans ce Lobster. Bon, maintenant, ce n'est pas fini et non, on est loin de la fin. Comme ça fait longtemps que j'ai rien enregistré puis que je note quand même ce qui m'arrive, les choses importantes, eh bien, j'ai plein de choses à vous parler. Et là, eh bien, c'est le plus gros sujet que j'ai pas eu depuis longtemps. Un vrai sujet là, de journalistique. Le 12 juillet dernier, j'ai eu la chance incroyable d'assister à un événement tout aussi incroyable. Allez, avancez, avancez! Allez, allez, on y va! Allez, allez, allez, allez, allez, avancez! Les gardiens, vous allez tous vous mettre à l'abri dans vos chariots! Les gardiens, sortez les fusils, tous aux abris! Et oui, je sais pas si vous avez deviné mon activité avec mon extrait de film un peu douteux. Eh bien, je me suis rendu en territoire Mohawk à Kanawaki et dernièrement, je me suis rendu là pour leur grand Powwow 2025. J'avais vu sur Internet une invitation disant que tout le monde était invité à venir au grand Powwow. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je m'y suis rendu tout simplement. Bon, habituellement, je sais pas si on est bienvenu partout sur une réserve. En me rendant là, quand je suis arrivé à la réserve, j'ai vu qu'il y avait plein de panneaux qui disaient « Parc réservé aux citoyens »,« Surveillance citoyenne », même chose pour le piste cyclable. Bref, là, je me suis dit « C'est la bonne journée pour en profiter, vu qu'on est invité, c'est grand public aujourd'hui. » Donc, je me suis rendu là. C'était une journée qui était quand même super chaude. Il faisait 38 degrés avec l'humidité. La première chose qui m'a marqué en arrivant là, c'est que sur les stops, c'était écrit en Mohawk. C'était écrit stop plus haut, puis juste en dessous, c'était écrit Testan, T-E-S-T-A-N, qui veut dire stop, là, j'imagine, là, en Mohawk. Je trouvais ça cute. Si j'avais pu, j'aurais arraché un stop, puis je serais parti avec tellement je les trouvais beaux. Mais bon, je n'avais pas l'intention là, de me faire scalper sur une réserve, donc je les laissais là où ils étaient. Puis c'était la même chose pour les affaires de recyclage, puis les autres panneaux. Je comprenais rien des panneaux, mais je les reconnaissais, les dessins. Là. Mais bien sûr, là, c'était écrit en Mohawk. Autre chose marquante, c'est que pour me rendre là, il n'y avait pas d'adresse. Non. C'était écrit sur le pamphlet, c'était écrit simplement « Prendre la sortie 217, continuer jusqu'au bout de la rue, tourner à droite après l'hôpital, retourner à droite et ensuite, plus d'instructions. » Donc, rendu sur place, j'ai vu qu'il y avait des bouts de papier. Il y avait fait des pancartes là, sur des petits, sur des papiers. Comme des panneaux temporaires pour nous guider, ce qui m'a quand même permis d'arriver facilement là, dans leur parc. Un parc qui habituellement là, est réservé juste pour les gens de la réserve, mais c'est un parc qui est magnifique. C'est un parc qui est entouré d'eau. À un moment donné, on a vu un bateau passer, là, passer collé sur le Saint-Laurent. Là. Le parc, il y a même une belle plage. Là. Il y avait des gens assis sur le bord de l'eau, dans du beau sable. En tout cas, c'était un bel endroit. Puis, bon, un des préjugés, des fois, on entend parler que ça fait dur sur les réserves. Mais là, non. Moi, sur le chemin que j'ai suivi, qu'est-ce que j'ai vu? Belle école avec un gros terrain de jeu, un bel hôpital ou CLSC, je sais pas. Dans les instructions, ça disait tourner à droite là, à l'hôpital, comme je vous disais. Mais bon, je sais pas si c'est un hôpital ou un CLSC. Mais en tout cas, c'est un gros bâtiment, super beau, super neuf. Bref, dans le village, je vous dirais que j'ai vu juste une maison là, qui faisait dur. Il y avait juste un terrain où que la personne, c'était comme une maison mobile, puis c'était reconstruit deux maisons avec du plywood, là, du contreplaqué. Au début, je pensais que c'était des conteneurs qui avaient été aménagés, mais en passant lentement, là, j'ai vu que c'était non, ça avait été fait en plywood, puis ça faisait dur. Là. Mais bon, c'est la seule chose là, qui faisait dur. Le reste, tout était beau. Je me serais cru dans le quartier comme chez nous. Bon, Une fois rendu sur place, ça coûtait 10$ pour entrer sur le site et il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Là. Je dirais qu'il y avait des centaines de personnes. Là. En fait, on a sûrement un bon millier. Là. Mais bon, j'ai arrêté de compter après moi. Mais bref, même si c'était une grosse organisation, là, une des choses que j'ai remarqué, c'est que c'était pas mercantile. Premier exemple, l'eau sur le site était gratuite. Il y avait parqué un gros camion là, pour la livraison d'eau. Tu sais, comme les gros camions là, pour livrer l'essence, mais là, c'en était un juste pour l'eau. Puis derrière ce camion-là, il y avait comme connecté quatre grosses champlures, puis on pouvait se servir gratuitement. C'était gratuit, gratuit. Bon, d'habitude, si on pense à nos événements là, que nous, on fait ou qu'on va, l'eau, c'est jamais gratuit. Là. C'est toujours un moyen de, que les événements ils font de l'argent avec ça. On nous vend ça 3-4 piastres la bouteille, mais non, pas eux, pas eux. C'était gratuit. Puis en plus, comme j'avais amené une bouteille de Gatorade que j'ai bu assez rapidement, là, vu qu'il faisait chaud, ben durant la journée, je l'ai rempli 2-3 fois là, au camion. Et c'était gratuit. Puis moi, je suis resté quand même là assez longtemps. Je suis resté de 10h30 à au moins 16h passées. Parce que, dans le fond, le spectacle était tellement bon que j'étais plus capable d'aller. Mais bon, le spectacle de danse, lui, commençait à 13h, puis moi, je suis arrivé à 10h30. Ça ouvrait à 9h, là, mais je suis parti un peu plus tard, vu que je savais que ça débutait juste à 13h. Je m'étais gardé, je m'étais dit, je vais aller voir toutes les kiosques, je vais aller voir l'endroit, puis je vais aller manger sur le site. Donc, de 10h30 à 13h, j'avais rien d'autre à faire que de visiter les kiosques. Durant ma visite, moi, j'ai fait le tour, je me suis acheté comme une impression d'une artiste d'Aqua Sassné, que je trouvais jolie, là, ce qu'elle avait fait. C'est comme un gros bison qui est comme imprimé sur un beau papier, mais il est imprimé avec plein de couleurs primaires qui eux, forment le bison. Je trouvais ça vraiment beau. Puis bon, si j'y pense, là, je vais vous le mettre sur la page Facebook du Lobster. Je mettrai ça comme image pour vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Donc, moi, j'ai acheté ça. En gros, pourquoi je l'ai acheté? Ça me fait penser au genre d'impression que je suis en train de faire, que je suis en train d'apprendre de faire là, en gravant du linoléum puis en roulant de l'encre dessus. C'est un peu la même technique là, d'impression. En tout cas, ça ressemble à ça. Bref, j'ai acheté ça parce que ça ressemblait à quelque chose que j'essayais de faire et que je trouvais ça super bon. Sinon, j'ai rien acheté d'autre, mais il y avait plein de choses vraiment originales. Par exemple, il y avait plein de poupées pour enfants, mais style autochtone. Toutes des jeunes femmes habillées là, à la mode autochtone, très jolies. Je me suis informé combien ça coûtait pour une poupée, puis c'était quand même 70$. Mais tu sais, c'était vraiment fait en cuir, puis vraiment de qualité. Là. Mais bon, pour mon budget, c'était trop cher. Sinon, d'autres choses qui étaient vraiment magnifiques, c'est les mocassins. Il y a beaucoup de kiosques qui en vendaient. Évidemment, c'était tout en cuir souple, jaune. Il y en a qui étaient brodés, là, magnifiques, avec plein de beaux détails. Mais, bon, quand on parle de mocassins en cuir souple brodé, c'était 500$ minimum, là, quand il était le moindrement beau. Donc, évidemment, je n'ai pas acheté de mocassins. Autre chose que j'ai remarqué, il y avait plein de peaux d'animal, de crânes. On pouvait acheter des crânes. J'ai reconnu des crânes d'ours. Tu sais, j'en ai deux, moi, dans mon garage. Bien, là, j'en ai vu qu'ils en vendaient. Il y avait des crânes plus petits. Il y avait beaucoup de crânes de lièvre. Il y avait de la fourrure. Puis, ah oui, ce qui m'a marqué, c'est les carapaces de tortue. Car c'est quand même interdit là, de chasser la tortue au Québec. Mais eux, il y en avait à vendre. Là. Puis il y en avait plusieurs qui avaient été transformés, les carapaces, en genre de sculpture. Donc, pour les carapaces de tortue, là, si vous en voulez, ben dans un powwow, j'ai l'impression que c'est l'endroit pour en trouver. Pendant que j'étais là, moi, j'ai eu le temps de faire le tour des kiosques deux fois, là, puis de prendre le temps de bien en regarder les choses. Une chose que j'ai remarqué, que je trouvais que c'est qu'il n'y avait rien de quétaine. Tu sais, j'avais pas l'impression d'être au marché aux puces Saint-Eustache, là, où ce que bien souvent ils vendent de la cochonnerie, là. Non, eux, il y avait par exemple, il y avait des beaux t-shirts avec des images là, d'animaux dessus, mais les images, c'était des images d'artistes autochtones. Parce que je me suis informé à la madame là, qui les vendait, je voulais peut-être m'en acheter un. Bon, les gilets, ils étaient 30$, ce qui est pas trop cher, mais bon, pour un t-shirt, j'étais pas sûr, mais ils étaient vraiment de qualité, puis les dessins étaient magnifiques. C'était dans le même style que l'impression que j'avais acheté, là. Bref, ce que je me suis dit des kiosques, c'est qu'il n'y avait rien d'abusif là, au niveau des prix. Donc, c'est ça qui m'a frappé. Un autre exemple, juste les bouteilles de Gatorade, il y avait un kiosque qui vendait 2$. Là. Je pense que c'était les étudiants de leur école qui vendaient ça pour subventionner quelque chose. Donc, même si c'était un gros événement, ils n'avaient pas transformé ça. Ils auraient pu, là, mais non, c'était pas mercantile. Une autre chose qui était frappante, puis que tu t'aperçois tout de suite quand tu vas dans un paroisse, c'est qu'ils s'occupent de leur aîné, là, des gens âgés. Tous les gens âgés avaient des tentes pour eux, ou qui étaient réservées juste pour eux. Juste les personnes âgées pouvaient aller s'asseoir là. Ils étaient à l'abri du soleil, puis toute la journée, les bénévoles s'occupaient d'eux, leur apportaient de la nourriture, pas de la nourriture, mais des bouteilles d'eau. Ils se cassaient pas la tête, et dès qu'ils levaient la main, il y en avait une. Fait que c'était bien organisé. Il n'y a eu aucun aîné qui est décédé durant la journée, même s'il faisait chaud. Puis quand le spectacle a commencé à 13h, bien, on s'est tout fait rappeler de respecter les règles. Premièrement, on ne filme pas l'arrivée des danseurs et on ne filme pas les aînés. Bien, en fait, j'ai même ramassé un livre là, qui explique le déroulement de la journée puis les règlements. C'est écrit dans le livre. Pendant le chant du drapeau, le chant des vétérans ainsi que les autres chants honorifiques, s'il vous plaît, vous levez et restez silencieux. On doit aussi retirer casquettes et chapeaux. Ne jamais ramasser un morceau de costume des danseurs. Au lieu, indiquer le morceau aux danseurs afin qu'ils puissent le récupérer. Les photos sont permises seulement dans certains cas. Le maître de cérémonie vous indiquera le moment idéal. Ça, vous vous dites, ah oui, mais bon, moi j'aurais filmé quand même. Eh bien, non, non, non, non, car tout le monde sur le site s'occupe de rappeler les règles. Moi, j'ai passé la journée sous la tente des aînés, là. Bon, je ne suis pas un aîné, là, mais j'ai profité de leur tente. Je suis comme resté à la limite de leur tente pour me protéger du soleil, vu que c'était une journée à 38 degrés avec l'humidité. Donc, je ne suis pas rentré dans leur tente, mais j'étais comme à côté sur le poteau de la tente, fait que j'étais à l'abri du soleil. Puis quand les danseurs puis les aînés qui marchaient ensemble sont arrivés là, pour entrer dans le cercle au milieu, parce qu'on est tous organisés autour d'un genre de cercle, de gazon où ce que les danseurs se ramassaient. Eh bien, je vous le dis, il n'y a personne qui a filmé. Tous ceux qui ont essayé, ils se sont fait rappeler. Là, les aînés surveillaient. Les organisateurs, ils surveillaient. Puis tous les gens de la réserve, là, les autochtones surveillaient aussi. Donc, il n'y a personne qui a filmé. Là. Peut-être que quelqu'un a réussi à cacher, là, mais moi, je ne me serais pas essayé à filmer. Là. Tout le monde regardait autour pour être sûr que personne filme. J'ai même fait le tour de la foule avec mes yeux, là, puis j'ai pas réussi à trouver une personne qui filmait. Donc, c'était bien, c'était vraiment impressionnant. Le maître de cérémonie, il a dit à ce moment-là, là, en rappelant les règles, il a dit « Profitez avec vos yeux et enregistrez-le dans vos mémoires. » C'est ce que j'ai retenu. Évidemment, il y a de la musique tout le long, mais c'est même pas de la musique enregistrée, hein? Non, non, non, non, non, non. C'est des gens qui frappent sur des tambours puis qui chantent tout le long du powwow. Ouais, je suis allé voir la tente des chanteurs là, à la fin, avant de partir. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait quatre groupes autour des gros tambours. Il y avait quatre gros tambours puis plein de gens autour de chacun, là, disons cinq ou six personnes. Puis c'était eux qui, à tour de rôle, faisaient la musique pour chacune des danses dans les différentes catégories. Puis, ils ont fait ça là, toute la journée, sans arrêter. Puis, c'était impressionnant parce que moi, ça, je l'ai vu juste à la fin. Mais au début, je me disais, ah, ils passent des chansons enregistrées. Mais j'avais un doute. Puis, je voyais qu'il y avait une tente plus loin. Puis, bref, à la fin, je suis allé voir. Puis là, j'ai compris que non, non, non, il n'y avait rien d'enregistré. C'était les gens là, qui faisaient la musique eux-mêmes. Puis, bon, comment ça se déroule? Voici, moi, je vous raconte ce que j'ai vu. Au départ, il y a eu la présentation des différents drapeaux des vétérans, suivi des danseurs. Puis tout ça, ça se faisait dans le genre de piste ronde que je vous disais, là, que au milieu du parc, où nous, on était tous autour à regarder. Puis eux sont rentrés comme une longue chenille. Puis la chenille a tourné en rond dans le milieu. puis elle s'enroulait sur elle-même. Fait que les premiers qui sont rentrés, ils ont fini dans le milieu, puis toutes les autres, c'était évidemment les vétérans, les aînés, puis les danseurs, qui sont enroulés, enroulés, enroulés, puis ça a fini qu'il y avait à peu près, 200 personnes dans le cercle gazané au milieu. Donc, puis évidemment, ils étaient tous dans des beaux habits, là, les habits traditionnels. Mais ça, je vous dis, ça n'avait aucun sens comment c'était beau. C'était vraiment, moi, en tout cas, j'étais impressionné. Là. Il y a un des danseurs qui était le plus beau. Là. Il, lui, il ressemblait à un porc-épic. Sur sa tête, il portait un casque de plumes blanches. Je ne sais pas si c'était quel autre, si c'était pas de la bernache, là, mais peut-être de l'oie blanche. Puis les plumes sont assez longues. Puis le bout des plumes, il avait tout été noirci. Ce qui faisait que ça avait l'air à des pics de porc-épic. Puis quand il dansait, c'est ça qui, je crois, qu'il essayait de montrer là, dans sa danse. Quoi d'autre? Ce que je voulais vous dire, c'est, par exemple, pour les plus vieux d'entre vous là, qui écoutent, qui ont, disons, comme moi, 50 ans et plus, puis qui ont déjà écouté des films d'Indiens, là, comme je passais au début, qui écoutaient là, au cinéma de 17h, là, dans le temps, si vous vous en souvenez, c'était pareil. J'étais comme dans un western quand j'ai passé la journée dans le parloir. Ça n'avait aucun bon sens. Tu sais, c'est sûr qu'on ne dit plus indien, et là maintenant, je le sais, là, on dit autochtone. Mais moi, bon, dans ma jeunesse, on disait indien, après ça, on a dit amérindien, puis finalement, on dit autochtone maintenant. Mais bon, je m'en allais où avec ça? Je m'en allais nulle part. Bon, poursuivons. Je vais poursuivre avec ce que j'ai vu. Bon, une fois la présentation finie là, de la chenille dans le milieu des 200 personnes qui se sont retirées, il y a eu, bon, les premières danses. Ah non, c'est ça. Il n'y a pas eu de danse individuelle. Ça a commencé par une première danse où nous, le public, ils nous ont invités à rentrer à danser avec les autres danseurs. Puis les danseurs montraient aux gens du public comment danser de façon là, autochtone. Donc, il y a eu cette première danse-là. Puis là, si vous vous demandez si je suis allé danser, non, je ne suis pas allé. Mais j'aurais dû. Prochaine fois, j'irai danser. Tu les voyais sauter là, comme des comme dans les films. C'était impressionnant. Puis après ça, tout l'après-midi, toutes les danseurs ont été invités à venir faire leur danse à tour de rôle et par catégorie. Il y avait des catégories, évidemment, hommes-femmes, par âge, puis par type de danse. Puis à chaque fois, il y avait des juges qui se mettaient sur le tour du cercle, puis qui avaient l'air à juger là, les danseurs. Puis dans le livre que j'ai ramassé, puis qui explique un peu comment ça se passe, il listait les 34 catégories d'âge et de type de danse. Puis pour chacun, il y a des prix qui étaient attachés à ça. Le premier prix, c'est toujours 1 000 $, deuxième place, 600, puis la troisième place, 400 $. Donc pour les danseurs, ils sont tous récompensés là, s'ils font une belle danse. Puis, mais bon, parfois, le maître de cérémonie, il disait quand même à la blague, lui, c'est sûr, il est bon pour avoir un prix, parce que dans certaines catégories, il n'y avait pas 3 personnes. Il y avait des catégories, par exemple, que je me souviens, là, où il y a un jeune homme qui est rentré tout seul. Je ne sais pas s'il était dans une catégorie ou non, mais c'est un petit bout de chou, là, tout petit, puis il est venu faire sa danse. Puis là, vu qu'il était tout seul, Ça arrivait juste à lui. Ben, pendant qu'il faisait sa danse, il y a plein de gens de la communauté qui sont allés lui mettre de l'argent à ses pieds pendant sa danse. Fait que là, il y avait des gens qui s'avançaient puis il lui mettait 20 $ aux pieds. Puis à la fin, l'organisateur là, qui parle au micro, un des organisateurs, il a tout ramassé l'argent puis il est allé le porter à la mère du garçon. Je sais pas, peut-être que le jeune homme était hors catégorie. C'est peut-être pour ça, puis peut-être qu'il voulait le récompenser là, d'être venu tout seul, parce que les catégories, c'est de 6 ans à aîné, là. Mais peut-être que lui avait moins de 6 ans, puis que c'est pour ça qu'ils lui ont donné de l'argent. Mais bref, j'ai pas compris. Moi, je vous raconte ce que j'ai vu. C'est peut-être pas ça. Mais bref, il a été chaudement applaudi, et les aînés à côté de moi, ils étaient contents, et l'ont applaudi fort, fort, fort. Moi, bon, c'était la première fois que j'allais dans un powwow, comme je vous disais, j'ai pas tout compris, puis comme tout se passe en anglais, ben des fois, mon esprit, il s'égarait. Puis bon, j'écoutais pas tout. Des fois, je restais figé sur le costume des femmes autochtones. Il y en avait qui étaient tellement, tellement belles. J'en ai filmé là, beaucoup là, durant la journée. Parce que une fois le début passé, le bout où il y a les hommages et les aînés qui sont à l'intérieur du cercle, ben là, le maître de cérémonie, il nous a dit quand on pouvait commencer à filmer. Donc, il nous l'a dit à un moment donné. Fait que là, j'ai pu filmer là, tout ce que je voulais. Puis là, c'est ça. Ils respectent vraiment, je vous l'ai déjà dit, beaucoup les aînés, là. Puis tout le monde semblait bien respecter ça, là, de ne pas les filmer. Puis même chose pour la casquette, tu sais, que je vous ai lu tantôt dans les règles. Dès qu'il y avait quelque chose où il fallait retirer la... Il y avait, disons qu'il y en aurait quelque chose, puis il fallait retirer la casquette. Eh bien, à côté de moi, il y avait des gens qui avaient l'air d'être des Français qui venaient de France puis qui ne comprenaient rien à l'anglais quand ils disaient « enlève ta casquette ». Eh bien, ça prenait pas 2 secondes qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, lui tapait l'épaule puis disait « là, c'est le temps d'enlever ta casquette, là ». Donc, t'avais pas le choix d'y respecter les règles. Mais je trouvais ça bien, pour une fois que quelqu'un est strict dans son événement, je trouvais ça bien. Autre chose que j'ai appris dans le livre, puis je me suis informé par la suite, les danseurs, ils les appellent des « smoke dancers ». Bon, je vais vous lire ce que j'ai trouvé là, sur Internet là-dessus. Ça dit « Dans un powwow, le terme « smoke dancer » est souvent utilisé dans certains contextes spécifiques, surtout dans la culture iroquoise et certains powwows de l'Est du Canada. » Donc, c'est en plein nous autres. Là. Puis là, ils disent « Voici pourquoi. » L'origine du terme « smoke dancer », le « smoke dance », danse de la fumée, est une danse traditionnelle iroquoise très rapide, qui trouve ses racines dans les anciennes danses de guérison ou cérémonie. Elle a été popularisée et adaptée dans les powwows modernes comme une forme compétitive. Puis là, pourquoi le mot « smoke » Ils disent qu'il y a plusieurs interprétations. Certains disent que c'est parce que les mouvements rapides et rythmés du danseur soulèvent la poussière du sol comme la fumée. D'autres lient cela à des danses de purification où la fumée du feu sacré avait un rôle. Puis dernière théorie, c'est que le nom provient de la danse elle-même qui est très rapide et fluide comme de la fumée qui s'élève. En 3, ils disent caractéristiques du smoke dance. Elle est très rapide et technique. Chaque danseur doit... Ah oui, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai remarqué là, sans l'avoir lu. Les danseurs, ils devaient s'arrêter exactement au moment où les tambours y arrêtaient. Fait que des fois, ils arrêtaient le pied en l'air puis ils restaient dans le beau mouvement. C'était vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit aussi, la smoke dance est souvent pratiquée en solo par des hommes et des femmes. Ça, pour moi, c'était évident. J'ai pas vu de danse à plusieurs. Ils avaient tous l'air à danser pour eux-mêmes. Là. Ils étaient tous seuls. Il n'y avait jamais de danse à deux. Puis c'est écrit « Le costume est traditionnel, mais moins orné que dans les danses powwow classiques comme le fancy ou grass dance. » Donc, j'imagine que dans d'autres powwow qui sont pas des powwow iroquois, il y a d'autres choses, il y a d'autres types de costumes et il y a probablement d'autres types de danses. Bon, puis là, ils disent « Différence avec les danses powwow typiques. » Ils disent « Les danses powwow, ils en nomment 4, fancy, jingle, grass, traditionnel, viennent majoritairement des nations des plaines. Le smoke dance vient de la tradition iroquoise et est parfois intégré comme catégorie spéciale aux démonstrations dans les powwows. En résumé, on dit « smoke dancer » parce que ce sont les danseurs qui exécutent la « smoke dance », une danse rapide et traditionnelle des Haudenosaunee, des Iroquois. Bon, moi, évidemment, j'étais sur la réserve des Mohawks, qui est une des 6 nations iroquoises. Je ne savais pas, avant d'y aller, je l'ai appris après en lisant là-dessus. Donc, ça explique pourquoi j'ai eu droit toute la journée à ce type de danse, le smoke dance. Autre chose que j'ai remarqué, il y avait un feu d'allumé sur le terrain du powwow. Ils sont occupés de le garder allumé tout le long de la journée. Puis d'après ce que je comprends, c'est pas juste un feu de camp. Il y avait une signification culturelle sûrement, là, puis spirituelle, parce que j'ai vu plein de personnes aller se recueillir autour, puis ils lançaient des choses dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lançaient. J'ai vu des femmes là, qui avaient des choses dans les mains. Je ne sais pas si c'était une sorte d'herbe, ou si, en tout cas, c'était du feuillage, c'était organique, mais je ne sais pas. Moi, je n'ai pas tout compris, mais j'ai quand même aimé ça. Là. Moi, je ne me suis pas approché de ça, vu que j'avais rien à faire autour du feu, mais j'étais allé quand même proche pour voir les gens là, qui se recueillaient. Une chose particulière des danses, c'est la danse des femmes aînées. Ça, c'était comique un peu par tout ce qu'elle faisait. C'est un petit saut dans les airs, puis en se déplaçant un petit peu à droite ou à gauche. mais tout le temps dans le même sens. Ça, ce que j'ai compris, c'était une danse traditionnelle, mais c'est pas trop impressionnant. Là. C'est juste une vieille madame qui saute dans les airs en se tassant un petit peu. Mais bon, c'est une danse traditionnelle, puis c'était noté comme les rats. Mais du côté des hommes, il n'y avait pas ce genre de danse traditionnelle d'un petit saut dans les airs. C'était juste chez les femmes. Du côté des hommes, plus âgés là, que j'ai vus, eux, il y avait des armes dans les mains. Il y avait une crosse, il y avait un fusil en bois. Il y a des jeunes enfants qui avaient même des fusils en bois. Ou il y avait d'autres armes. Là. Il y en a qui avaient des longs bâtons avec comme une boule de bois au bout, là, comme pour un brise-crâne, là, je pense que c'est ça le nom. Mais c'est ça, il y en a qui avaient ça pour danser. Puis là, ils nous mimaient des choses. Moi, j'ai compris dans une des danses qu'ils nous mimaient la chasse à la perdrix. Au départ, le monsieur il était déguisé... il était comme déguisé en perdrix. Il nous montrait la perdrix au sol qui a peur puis qui s'envole. Puis après, il continue à mimer la chasse en dansant puis en faisant des gestes avec son arme jusqu'à réussir à l'attraper là, à la fin de la danse. Sinon, du côté des femmes, il y avait une catégorie qui avait des vêtements là, avec de longues, longues franges. Puis là, ça, c'était une des catégories magnifiques parce que quand elle tournoyait sur elle-même, les franges, ils prenaient évidemment de l'ampleur en tournant, puis ça faisait la dame à doublet de taille, mais à doublet de taille avec des franges magnifiques colorées, fait que ça devenait une danse super belle. En plus, les femmes avaient toutes, ben pas avaient toutes, mais il y avait beaucoup de femmes qui avaient deux nattes de tressées, de le long cheveu noir en arrière. Donc, les femmes étaient vraiment, vraiment belles. C'était vraiment cinéma de 17 heures où j'ai vu Geronimo là, plusieurs fois. C'était comme ça. C'était aussi beau. Bon, moi, j'ai quand même, là, vous comprenez que j'ai été impressionné par tout ça. Moi, j'ai adoré. J'ai regardé les danses de 13h à 16h30. Ça finissait à 17h, mais je voulais pas partir à 17h quand il y a des milliers de personnes qui quittent un site, là. Je me suis dit, partons 30 minutes avant. Puis c'est ça, je suis reparti la tête plein de belles images. Puis une chose, je me suis dit, en revenant, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Ils sont à 35, 45 minutes de chez nous. Puis j'entends jamais parler d'eux ou de leur culture. Bon, si vous êtes assez vieux comme moi, vous avez entendu parler de la crise d'Oka dans les années 90, mais c'est tout. Ça fait des années qu'on n'entend pas parler d'eux. Donc, je pense que ça reste quand même une culture qui est à découvrir et je crois qu'on n'en parle pas assez. C'est sûr que maintenant, à la radio, là, on entend des gens dire « kwe », là, que « kwe », je pense, ça veut dire « bonjour » en autochtone, mais je ne sais pas quelle langue, mais bref, c'est le seul mot que je connais. Mais je pense qu'il y aurait moyen de les voir un peu plus. Puis, si jamais ça vous intéresse, les powwows, il y a un site pour savoir c'est quand le prochain. C'est le site tourismeautochtone.com. En ce moment, j'ai vérifié, il y a 6 powwows qui ont déjà eu lieu au Québec. Il en reste encore 16 à venir dans les différentes régions. Donc, vous avez quand même encore la chance, là, si vous voulez vivre ça. Moi, je vais surveiller le prochain qui a lieu dans ma région. Là, j'ai été à celui Mohawk de Kanawake. Le prochain qui reste, c'est celui de Kanisatake. Mais la date n'est pas encore annoncée. Mais d'habitude, d'après ce que je vois, il y a toujours lieu le 31 août. Août, septembre, puis 1er septembre. En tout cas, ce week-end-là. Puis, donc, je vais essayer d'y retourner si je suis libre, puis si je peux y aller. Sinon, avant de conclure, on peut apprendre une dernière affaire. Que veut dire powwow? Je ne savais pas, j'ai regardé en revenant. Powwow, écrit en deux mots ou collé, vient des langues algonquiennes. Ils disent probablement du mot powwow, P-A-U-W-A-U, qui désignait un rassemblement de chamans ou de guérisseurs. Avec le temps, le terme a été repris en anglais et en français pour désigner un rassemblement traditionnel autochtone en Amérique du Nord. Là, il s'écrit P-O-W-W-O-W. Voilà! On en prend quand même toujours de quoi. Bon, avant de terminer, j'ai encore des souvenirs qui remontent dans ma tête parce que je vous ai pas parlé de bouffe. Puis j'ai dîné là. Sur le site, on pouvait manger plein de choses. Puis encore là, c'était pas mercantile, c'était à prix abordable. Ce qui pognait le plus, selon les longueurs de file d'attente que j'ai vues, eh bien, c'était le hamburger d'Orignal. Moi, j'en ai pas pris de l'Orignal, j'en ai déjà mangé souvent là, quand j'étais plus jeune. Disons que de ce côté-là, viande de gibier, moi, j'ai pas mal déjà tout essayé. Mais bon, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des choses traditionnelles. Il y avait beaucoup de soupe de maïs et des choses du style. il y avait quand même moyen d'essayer là, des choses dans leur culture sur les restos qui étaient là. Mais moi, qu'est-ce qui m'a attiré? Eh bien, c'est de quoi que je mange juste, que je trouve juste quand je vais à Ottawa. Eh bien, j'ai mangé un des... comme les hot dogs de rue qui ont je sais pas quelle saucisse dedans, mais qui est délicieuse. Quand je travaillais au commissariat des langues officielles à Ottawa, j'ai travaillé là 8 mois. Le midi, souvent, je descendais dans la rue. J'étais dans la rue en face du Parlement. Puis il y avait un kiosque, un monsieur qui un kiosque transportable, puis il vendait ce genre de gros hot dog là. La saucisse est 8 pouces de long, puis je sais pas c'est quoi le nom de la saucisse, le type. J'ai fait le tour des boutiques polonaises ici, puis de ce style-là là, à Montréal, puis j'arrive pas à retrouver exactement cette saucisse-là. J'aurais dû le demander au monsieur, mais bon, il était tellement occupé à en vendre que c'était pas le temps de le déranger. Bref, moi, c'est ça que j'ai mangé. J'étais trop content de retrouver ce genre de hot dog-là que je mange juste à Ottawa. Puis là, c'est ça. J'ai pris ça, puis je suis allé m'asseoir à l'ombre d'un arbre parce qu'il faisait chaud. Puis bon, malheureusement, je me suis assis dans un nid de fourmis. Donc, j'ai mangé mon hot dog pendant que des grosses fourmis noires me montaient dessus. Donc, voilà, c'était mon aventure au Powwow dernièrement. Bon, j'arrive pas à terminer avec ce sujet. J'ai encore des choses à dire. Je me disais qu'un prochain week-end, je vais sûrement retourner sur la réserve, manger dans un de leurs restos, parce qu'en passant, j'ai vu qu'il y avait des restos là, qui avaient l'air à présenter de la bouffe un peu spéciale. Puis ce que j'ai lu sur Internet là-dessus, parce que je me demandais est-ce que je suis le bienvenu ou pas là, quand c'est pas le Powwow sur la réserve. Puis bon, c'est ce qu'ils disent. Ils disent quelques précautions. Le territoire impose certaines restrictions à la circulation. Des usagers mentionnent des signalisations pour résidents seulement, surtout hors des zones commerciales. Dans certains cas, des policiers autochtones peuvent demander aux touristes de s'identifier ou de rebrousser chemin s'ils s'aventurent dans des zones non publiques. Ils nous conseillent de rester dans les zones commerciales comme les restaurants, microbrasseries, bistrots. Ils disent que ça, c'est généralement accepté. Ce que j'ai lu, c'est qu'il y a comme un centre d'accueil pour les visiteurs sur la réserve. Ils appellent ça le Welcome Center. Il est au 1 River Road. Lui, il a une adresse. Puis en plus, je l'ai vu, il est proche de l'école, en face près de l'hôpital. Puis c'est écrit qu'au Welcome Center, ils te guideront vers les restos et commerces ouverts pour nous, là, pour les Allochtones. Ils disent, en résumé, oui, tu peux entrer et manger dans les restaurants de Kahnawake. Non, tu ne pourras pas circuler librement en dehors des zones commerciales sans invitation ou en présence d'un guide local. Bref, durant les vacances, je mets ça, je l'ai vraiment écrit sur ma liste de choses à faire. Je tombe en vacances là, demain, vendredi, demain, pour 2 semaines. Je m'en vais au chalet faire un tour, quelques jours, mais après ça, quand je reviens, qu'est-ce que j'ai sur mon papier? J'ai écrit « chalet »,« resto Mohawk ». Poterie plus verre. Je veux faire de la poterie. Je n'utilise pas souvent mon tour à poterie. Je l'utilise juste l'été durant les vacances. Je fais des tasses à ce moment-là. Les tasses, c'est beaucoup plus facile de les faire avec la technique du boudin. Là. J'ai comme un gros gun que je remplis de poterie, d'argile, puis je pèse, puis ça sort des longs boudins que je fais des tasses avec. C'est super facile. Mais les faire autour, quand tu as la bonne technique, c'est encore plus rapide. Ça prend 2 secondes de lever une tasse. Mais vu que je suis pas professionnel, moi, ça me prend 30 minutes à en faire une. Fait que c'est long pour moi. Fait que je me pratique durant mes vacances quand j'ai du temps, puis j'ai le goût de faire ça, puis qu'il fait beau, qu'il fait chaud, parce qu'au garage, l'hiver, c'est pas plaisant, mais l'été, c'est le fun. J'ai aussi noté sur ma liste de choses à faire durant les vacances, verre. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui prennent 2 plaques de vitre, là, tu casses la vitre, puis entre les 2 vitres, tu mets une belle fleur avec qui a des feuilles, puis tu sacs ça au four à céramique, puis tu fais cuire à la bonne température, puis les deux plaques de verre vont fusionner et la feuille à l'intérieur va disparaître, mais elle va être elle va brûler, puis elle va être gravée comme dans le verre. Ça donne des plaquettes de verre qui ont comme une feuille d'imprimé dedans. Là, tu peux mettre ce que tu veux de la nature, c'est magnifique. Sauf que c'est compliqué, il faut avoir des... pour guider la température, moi, il n'est pas numérique, mon four, j'ai un vieux four, puis dedans, je mets des cônes, puis les cônes, c'est eux qui déclenchent la température à laquelle le four arrête. Quand le cône y a plié assez, ça veut dire, par exemple, qu'on est rendu à 1500 degrés Celsius. Mais là, il me faudrait des cônes, je crois, qui sont autour de 500, 600, 800. Fait que, durant les vacances, je vais aller acheter les cônes qu'il me faut pour faire cuire à la température de la vitre, puis je vais essayer ça. Autre chose que j'ai noté sur ma liste, faire de la mosaïque. Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, il y a une fille des trottoirs à Montréal. C'est une artiste qui fait de la mosaïque. Puis durant la pandémie, où elle ne pouvait plus faire grand-chose, elle s'est mise à réparer les trottoirs qui sont brisés ou qui ont une craque. Elle regarde la craque, puis souvent, puis là, avec sa céramique, elle vient boucher le trou, mais en faisant par exemple un farfadet, en faisant un écureuil. Puis là, il parlait de ça à l'émission de... je sais pas quelle émission de Radio-Canada que j'écoutais, là. En tout cas, puis là, je suis allé voir sur Internet, puis c'est ça, ça fait des choses magnifiques. Donc, moi, j'en ai plein de mosaïques. Je me suis tout équipé, puis j'ai une affaire qui est démarrée, mais j'ai démarré, je veux faire de quoi qui est immense. Puis j'ai tellement vu grand que c'est trop long à faire. Fait que là, peut-être durant les vacances, je pourrais rapetisser mes ambitions pour faire juste des petites affaires, des petits animaux de petite taille. Puis dernière chose que j'ai sur ma liste en ce moment, c'est d'écrire « La ferme sauvée à Valleyfield ». Parce que c'est là que je vais ramasser des fraises. Puis là, en ce moment, c'est parce qu'eux, ils sont comme en région à Valleyfield. Puis, c'est quoi je voulais dire? Ah oui, puis c'est ça, ils vendent tout le temps les légumes à un prix qui est dérisoire. Là, en ce moment, on peut acheter des chaudières de cocombes, c'est 25 cents la livre. Fait que c'est des cocombes ou cornichons que tu peux mettre dans le vinaigre. Donc, je veux faire ça durant les vacances. S'il en reste, ils viennent de l'annoncer, là, ça fait 3 jours qu'ils ont commencé à vendre les cocombes à 25 cents, la livre. L'année passée, je les ai manqués. Fait que là, je tombe en vacances. Je vais essayer d'y aller peut-être samedi, m'en chercher une chaudière ou deux pour faire des cocombes marinés. Donc voilà, je me suis encore égaré. Oui. De quoi je voulais parler avant de partir? Bon, dernière chose avant de partir en musique. Ah oui, c'est ça. Quand je suis parti du Powwow, puis que j'ai vu le prix du gaz sur la réserve, je me suis dit, m'a arrêté de me tinquer. Chez nous, à l'Île-Perrault, le gaz, à ce moment-là, il était 1,56. Je l'avais vu en partant. Puis quand je suis arrivé sur la réserve, le gaz, il était à 1,40. T'sais, il était 16 sous de moins. Je sais que c'est quand même cher, 1,40. T'sais, j'ai dit ça à mes parents quand je suis revenu. Puis eux me disaient, ouais, chez nous, le gaz est à 1,29. Moi, je comprends pas. Là, en région, le gaz est moins cher alors que... Là, j'imagine le gaz y arrive ici. On a des raffineries dans l'Est. Ben, il y a une raffinerie dans... En tout cas, peu importe. C'est quoi que je voulais dire? Ah oui, je voulais dire... C'est ça, quand je t'ai arrêté pour me tinker, je me disais... je pensais faire comme chez nous. Tu débarques, tu te parques, tu te tinques, tu repars. Mais non! Quand t'es pas chez vous, faut suivre les règles. Fait que moi, je me suis parqué dans le dépanneur où il y a de l'essence. Je me parque, je débarque. Puis là, il y a quelqu'un qui est sorti d'une cabane. Puis il me fait signe, non, ça se passera pas comme tu penses. Il me dit, rembarque et repars-toi comme il faut. Fait que là, je comprenais pas trop, mais je pense qu'il me dit que j'étais trop loin des pompes. Mais bon, je me suis parqué comme d'habitude, comme j'attaque. Mais bon, j'ai écouté, là, je l'ai pas questionné, je suis rembarqué dans l'auto, je me suis reparqué comme un grand. Puis là, j'ai compris que c'est avec service. Tu sais, comme dans le temps, là, il y a tous les dépanneurs, tous les postes de gaz, c'était avec service. Donc, eux, c'est encore avec service sur la réserve. Donc, le jeune homme, il m'a fait le plein pendant que j'attendais avec lui. Parce que ça ne me tentait pas de rester dans mon auto. Il faisait chaud, je venais juste de partir. L'auto était brûlante, fait que je suis resté dehors avec lui à jaser. On a jasé du beau temps, évidemment. Puis, on entendait à la radio, le poste, c'est le 103.7. FM Kanawake, bien, on entendait encore l'animateur du Power, c'était en direct, puis il présentait encore des danses, là, parce que ça approchait 5 heures, là, c'était sur le bord de se terminer. En tout cas, il était dans les dernières danses. Donc voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit ce que je voulais dire sur mon aventure, sur la réserve Mohawk. Ça s'est terminé comme ça, avec un plein de gaz, et je suis parti, et je suis revenu chez nous avec mes vidéos, que je n'arrête pas de regarder, mes beaux vidéos de dames qui dansent les danses, les smoke dance. Bon, j'avais encore un petit quelque chose à dire avant la fin de ce Lobster 168.0, mais sur un tout autre sujet. Cette fois-là, c'est sur un jeu à laquelle j'ai joué et que j'ai passé jusqu'à la fin. Ça m'a pris 5 ou 6 heures. Le jeu se nomme Papier Julien. Donc, pour ceux qui écoutent le moindrement des podcasts québécois, vous connaissez probablement Julien Bernatché. On l'a vu à Sous-Écoute, le podcast de Mike Ward. Souvent, il était en compagnie des Picbois, le groupe là, qui s'est séparé. Lui, il était comme la troisième patte. Là, il y avait Maxime Gervais puis Dom Massy, qui étaient les principaux du Pic-Bois. Puis lui, c'était comme joint à eux là, pour vers la fin. Là, pour, quand il faisait un spectacle par mois, ben, il participait à ça. Il animait aussi des si et des raies où il y avait bon, Maxime Gervais, Dom Massy. Il était aussi, on l'a vu à la télé dans Un souper presque parfait. Il est connu pour son fameux château de saucisses, où il a servi un repas là, qui faisait pas de sens. Puis je pense qu'il a eu la note la plus basse de l'histoire de l'émission. Là, en ce moment, Julien Bernaché, on peut l'écouter à Opération Beurre de Cinoche. Podcast, c'est son podcast sur le cinéma. Moi, je l'écoute là, à chaque fois qu'un épisode sort. C'est toujours intéressant. En plus, il donne le box-office des films québécois. Puis il nous parle évidemment des films qu'il est allé voir. Donc, c'est toujours assez intéressant. Même si je suis quelqu'un qui n'écoute pas les films qu'il présente, eh bien, j'aime ça quand même. Bref, à un moment donné, il y a quelques années, il y a un de ses amis, je pense que c'est Joël Martel du Saguenay. Lui, il fait partie un peu de cet univers-là. Lui, il fait des chansons aussi. J'ai déjà passé des chansons de Joël Martel. Puis bon, à un moment donné, je pense qu'il a décidé d'apprendre à faire des jeux, puis il a décidé de créer un jeu sur son ami Julien. Le jeu, bon, il se nomme Papier Julien. On retrouve là-dedans tout l'univers qui entoure Julien Bernaché. Donc, dans le jeu, qui est un peu à la Legend of Zelda, le premier, là, c'est un jeu vu de haut, deux dimensions. Ben en fait, encore mieux, le jeu, c'est un jeu qui a été fait avec RPG Maker, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un logiciel qui permet de faire facilement des jeux. Moi, je pense que j'en ai déjà parlé. Il y a 15 ans de ça, quand mes garçons étaient jeunes, je leur avais montré comment utiliser RPG Maker. Tu sais, tu as juste à sélectionner les icônes que déjà, puis tu peux sélectionner le type de combat que tu veux, puis bref, tu es capable d'assembler un jeu, puis c'est toi-même qui écris les logiques, si la personne rentre dans telle affaire, il y a tel dialogue qui apparaît, nanana. C'est plus des jeux de type, tu sais, comme les jeux de Pokémon sur DS, où tu vas à tel endroit, tu fais telle affaire, mais c'est des jeux dans ce style-là que tu fais avec RPG Maker. Donc, Joël Martel, puis une petite équipe, à un moment, je pense qu'ils ont quelqu'un qui faisait la musique, quelqu'un qui faisait des icônes, bref, ils ont monté ce jeu-là, puis il est sorti dernièrement. Puis ce jeu-là, bon, moi j'avais participé à leur, comment ils appellent ça, socio-financement, mais ils avaient ramassé juste un genre 3 000 $, puis c'était juste pour payer les frais de base, je pense, pour acheter RPG Maker, pas pour faire de l'argent, là, ils avaient ramassé 3 000 $, là. Puis ils ont travaillé pendant 3-4 ans là, sur le jeu. Puis là, c'est ça. Si tu connais l'univers de Julien Bernaché, des Cédérets, puis les personnages de Dom Massy, Max Germain aussi, bref, c'est un jeu que tu vas adorer. T'es servi là-dedans, il y a juste de ça. Puis les dialogues, c'est toutes des affaires qu'on a entendues dans les émissions ou qui racontent depuis des années. Bref, moi, ça m'a pris 5-6 heures passées au travers du jeu. Comme j'avais participé au socio-financement, j'ai reçu le jeu dès sa sortie, version 1.0.0. Je l'ai reçu la veille du lancement, puis j'ai joué le lendemain. Puis bon, j'ai tout fait le jeu en une journée, puis arrivé à la fin, impossible de finir le jeu. Puis là, je me suis dit, c'est-tu une blague qu'ils nous font, là? C'est le genre, c'est le genre dans cet univers-là. Je me suis dit, peut-être que c'est normal que je ne sois pas capable de finir le jeu, pas capable de rentrer dans le dernier bâtiment pour clore le jeu. Mais je me suis dit, je vais quand même vérifier. Fait que j'ai écrit à la gang qui ont fait le jeu et j'ai eu une réponse. Moi, je lui ai dit, bon, merci pour le jeu, mais c'est-tu normal que j'arrive pas à rentrer dans telle place pour finir le jeu? Et bon, j'ai eu une réponse assez vite me disant, effectivement, t'es pas tout seul, il y a un bug, on vient de le corriger, va sur le site, puis download la version 1.0.1, puis recharge ta save game dedans, puis tu vas pouvoir finir le jeu. Bref, j'ai fait ça, puis j'ai réussi à finir le jeu. Avec une fin ridicule, évidemment, mais j'étais content de pouvoir voir la fin. Mais ce que je suis plus content, c'est que sur mon poste, sur mes disques, j'ai sauvegardé la version 1.0.0 qui sera à tout jamais la version buggée de Papier Julien, c'est impossible de finir. Je l'ai gardé juste pour la postérité, je l'ai mis avec mes affaires des Pic-Bois. Donc, si jamais vous voulez l'essayer, ils ont donné le jeu, ils l'ont mis gratuit, ils ne le vendent même pas. Vous avez juste à taper Papier Julien, vous allez le trouver tout de suite. Je pense que c'est le nom du site en plus. Vous pouvez jouer en ligne ou le télécharger sur votre ordi. Mais, bon, dernier avertissement avant que vous jouiez, il faut vraiment connaître l'univers de Bernacchi, sinon, je pense que vous n'aurez pas de plaisir, parce que, comme je vous disais, tous les personnages qu'on rencontre dans le jeu, puis tous les dialogues ont rapport à cet univers-là, donc, si tu ne le connais pas, laisse le jeu de côté, tu n'auras pas de plaisir, mais si tu es un mordu de cette gang-là, eh bien, c'est pour toi, tu vas t'amuser. Voilà, donc c'est ça, fin du Lobster, je vous laisse avec toutes les chansons que j'ai chamassées là, depuis le dernier Lobster et que je trouvais bonnes, j'en ai plusieurs, je vais les mettre à la fin du Lobster, on termine avec ça. Donc, je vous souhaite un bel été. Je vais refaire Lobster bientôt, dès que j'ai du temps. Donc, je vous souhaite de profiter de vos vacances et on se revoit bientôt. Merci d'avoir écouté. Bye bye. Ich komme aus dem Loch von der S-Bahn in West. Das Mark hängt in der Luft und meine Doc Martens sind durchnässt. Ich hasse die Stadt, weil sie ist laut und ich gestresst. Und dann denk ich an mein Kaff. Ich mag hier eigentlich den ganzen Riss. Ich bin so gern im Feuersee. Dein Text tut mir im Herzen weh. Warum willst du von hier gehen? Bleib mit mir am Feuersee. Ich bin so gern im Feuersee. Bleibt tief. Ich bin so gern am Feuersee. Dein Text tut mir im Herzen weh. Warum willst du von hier gehen? Bleib mit mir am Feuersee. Ich bin so gern am Feuersee. Thank you.

dans le même langage morose. Tout le monde adore parler de soi. Tout le monde s'embrasse sous les portiques. Tout le monde a soif d'exotisme. Et tout le monde reste au même endroit. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça. Et ça me fait t'aimer comme personne. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça. Et ça me fait t'aimer comme personne. Tout le monde se connaît un peu. Puis tout le monde s'oublie au milieu d'une vie sans histoire et sans feu. Tout le monde ment sans sourciller. Tout le monde emporte ses secrets. Dans la tombe, tout le monde tombe. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça. Et ça me fait t'aimer comme personne. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça. Et ça me fait t'aimer comme personne. T'as toujours l'air d'arriver d'un long voyage en mer. Toi, tu as tes ombres et tes mystères. Tu vas le cœur en bandoulière. Et moi, je veux juste te regarder faire. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça. Et ça me fait t'aimer comme personne. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça. Et ça me fait t'aimer comme personne. Yeah. Je m'appelle Dave et je suis fluffeur de concierge. Mon départ, je passais une entrevue pour être concierge dans une bibliothèque. Puis à la fin de l'entrevue, on me dit « J'aimerais ça t'engager, mais faudrait que tu commences au bas de l'échelle. » Puis moi, j'étais comme « Mais semble que concierge, pas mal en bas de l'échelle. » Puis il me dit « Non, non, il y a de quoi en dessous de concierge. » Fait que là, j'étais comme « Ok, c'est quoi? » Puis il me dit « Fluffeur de concierge. » Puis là, je suis comme « Je sais pas c'est quoi. » Il me dit « Tu sais la pornographie. » Je suis comme « Ouais. » Il me dit « Il y a des pénis là-dedans. » Je suis comme ouais, il me dit les pénis dans porn sont durs. Là, je suis comme I guess, mais c'est quoi le rapport avec l'entrevue de job? Là, il me dit quand il filme un porno, il faut que l'acteur principal il soit en érection tout le long du tournage. Fait que entre les scènes, il y a quelqu'un que sa job c'est de sucer et ou crosser ce gars-là pour qu'il reste dur. Puis la personne qui fait cette job-là, on appelle ça un fluffeur. Là, je suis comme ok. Fait que fluffeur de concierge là. Ça consiste à sucer et ou crosser un concierge sans qu'il éjacule pendant son shift. Il me regarde puis il me dit bingo. Il me dit peux-tu commencer demain matin? Là je suis comme je sais pas là. Là il me dit c'est payé 300 000 par année. Là je suis comme comment que ça peut être en dessous de concierge? Mais c'est fucking bien mieux payé. Là il me dit t'as veux-tu la job ou pas? Ça fait maintenant plus de 15 ans. Que je suis fluffeur de concierge. 15 ans qu'à chaque matin je me lève, je m'en vais à la bibliothèque, je punch in, je m'en vais dans le placard de conciergerie, je m'assois sur une poubelle à l'envers dans le noir, et plusieurs fois par jour, le concierge arrive, je fais ma job, le soir je punch out, je m'en vais chez nous, ça fait 15 ans que je fais ça. Aujourd'hui, je peux dire que je me considère comme un des hommes les plus chanceux de la Terre. Je gagne bien ma vie en faisant l'affaire que j'aime le plus au monde. Contribuer à l'entretien sanitaire d'un bâtiment. Mais tu sais, c'est sûr que ça a pas toujours été facile. Au début, il y a comme une période d'adaptation. Je partais de loin parce que moi, j'avais jamais fait ça avant. Je suis pas gay. Puis je dirais même que j'ai comme une phobie grave des pénis. Tu sais, sans être trop graphique, disons que j'ai beaucoup dégueulé sur des pénis de concierge. Fait que trouver mon fun là-dedans, ça a été comme un défi. Tu sais, des fois, il y a du monde qui me disent « Ah, y a-tu des fois que les concierges ont de la misère à être durs, tu sais? » Moi, je leur réponds évidemment que chaque concierge a sa personnalité de concierge. Ça mettons, Raymond, c'est bisous sur la bouche. Après ça, moi, je fais plein de petits bisous en descendant. Puis rendu, mettons, au chest, m'en vais au mamelon gauche, je fais un tour. Après ça, je m'en vais au mamelon droit. Après ça, je redescends dans le centre, j'y liche le nombril, je redescends. Puis juste pour le fucker, des fois, je remonte, je redescends. Vite. Puis après ça, je fais mon enfant. T'sais. Puis tu sais, il y en a d'autres que, mettons, Serge, lui, il arrive, il est déjà. Tu sais, moi, j'ai rien besoin de faire. Je trouve ça important de parler de ce métier-là parce que, ben, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Puis quand le monde apprenne qu'est-ce que c'est, souvent, il y a comme un certain jugement. Tu sais, moi, souvent, quand je dis au monde que dans la vie, je suce et je crosse des concierges sans qu'ils éjaculent, et ce, sur leurs heures de travail, je me fais comme regarder croche. Ben, c'est sûr que je les comprends, parce que moi, au début, j'avais une certaine honte par rapport à ce que je faisais. Ça a été vraiment difficile de l'annoncer à mes parents que je faisais ça. Tu sais, oui, à cause de la honte, mais surtout, faut comprendre que moi, mes parents, ils sont décédés quand j'avais 5 ans, là. Tout ça pour dire que fluffeur de concierge, c'est un job comme un autre. Tu sais, je verrais pas pourquoi dire « Moi, dans la vie, je suce et je crosse des concierges. » Ça serait plus étrange que de dire « Moi, dans la vie, je suis pompier. » Tu sais, les deux, c'est des jobs valides. Là. Les deux, c'est du monde qui sont des héros. Fait que si tu regardes cette vidéo-là, là, pis t'as 2-3 ans, pis tu cherches quoi faire dans la vie, ben sache que fluffeur de concierge, ça existe.